Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet et bienvenue pour ce deuxième numéro spécial de la boîte à BO consacré au thème « Quand la BO fait le film ». Et pour co-animer cette émission, bien sûr, Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu de la programmation ? Eh bien Jérôme, comme la semaine dernière, rappelons que la musique sans images, ça marche, mais un film sans bande-son, bah, difficile à imaginer. Nous avons donc sélectionné aujourd'hui à nouveau quelques films cultes que l'on ne peut imaginer sans leur bande-son. Eh bien, sans plus tarder, voici donc ce numéro spécial de la boîte à BO, quand la BO fait le film. Et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors commençons, Francine, par Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox qui interprète Marty qui va voyager jusqu'en 1955 avec une machine à remonter le temps. Un blockbuster que tout le monde a vu avec une musique que vous connaissez forcément d'Alain Silvestri. Alors produit pour 19 millions de dollars, Retour vers le futur fut un énorme succès puisque le film rapporta donc au final près de 350 millions de dollars, soit près de 19 fois son budget initial. Alors, ce premier épisode de cette saga intertemporelle, donc de Robert Zemeckis, sera suivi donc en 1989 du Retour vers le futur numéro 2, et puis en 90 de Retour vers le futur numéro 3. L'optimisme va vraiment de pair avec le ton du film, alors retrouvons sans plus tarder cette bande-son signée Alain Silvestri. suivons avec la BO du film American Beauty, le long métrage oscarisé de Sam Mendes sorti en 2000 et qui porte sur la crise de la quarantaine vécue par le protagoniste principal Lester, interprété par Kevin Spacey, et son épouse jouée par Annette Bening. La musique du film, minimaliste, est accompagnée par de douces notes de piano. Des ambiances atmosphériques et calmes donnent aux scènes une note particulièrement émouvante. Le thème principal reposant, parsemé de ces si belles notes de musique de piano, nous fait souffrir si merveilleusement bien devant l'écran. Alors après la BO du film American Beauty, retrouvons la BO du film d'animation Le Roi Lion. Dans Le Roi Lion, vous pouvez entendre un mélange extraordinaire de musique classique et de sons traditionnels africains. Un chœur zoulou a fourni donc les éléments africains et Hans Zimmer a finalement obtenu un Oscar, son Oscar tant attendu. Elton John a composé également des mélodies comme par exemple, Can You Feel the Love Tonight pour le générique. Cette épopée animale mélancolique ne peut être entendue et vue sans être profondément émue. Alors retrouvons tout de suite la BO interprétée par Elton John. Sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Et maintenant, passons aux années 70 et retrouvons la musique du film Saturday Night Fever, un film de John Badham réalisé en 1977. Alors, la vague disco des années 70 a vraiment bien commencé avec le film de danse Saturday Night Fever. Du romantisme pur avec un mélange de kitsch et de critique sociale dansante pose les bases de l'intrigue autour de l'acteur principal, John Travolta, qui avec ce film connaît sa consécration internationale. Il décroche son premier rôle principal sur grand écran, séduit surtout le jeune public qui voit en lui l'icône d'une génération. Alors les Bee Gees étaient plus que branchés à l'époque et offraient un cadre parfait avec des chansons comme Staying Alive ou How Deep Is Your Love. On ne pouvait pas rester dans les fauteuils du cinéma sans se tortiller dans tous les sens, n'est-ce pas Jérôme? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors retrouvons tout de suite cette BO si entraînante de La Fièvre du Samedi Soir. You're place maintenant au suspense avec le film Psychose, ce thriller d'Alfred Hitchcock qui commence de manière tout à fait bucolique et naïve, où on y entend même le gazouille joyeux des oiseaux. Mais Lydie les trompeuses, le réalisateur sait très bien utiliser ses capacités à user les nerfs de l'audience. Les attaques sur le psyché du spectateur sont accompagnées des sons dissonants des cordes bien connues. Pas de longues mélodies sur plusieurs mesures, les harmonies sont tout simplement inconfortables, gênantes, voire dérangeantes, et donc provoquent à coup sûr un malaise. En parler nous ramène directement aux images de la fameuse scène sous la douche. Alors retrouvons sans plus tarder cette BO signée Bernard Herrmann. Pour terminer, retrouvons le film Top Gun. Alors, Tom Cruise est la vedette d'un film avec une bande-son vraiment incroyable. La bande originale du film d'action Top Gun de Tony Scott a été numéro 1 dans les palmarès américains pendant 5 semaines consécutives durant l'été 1986. Alors, si vous aimez le rock et le pop des années 80, ce film vous séduira sûrement par sa musique et l'action du film va de pair avec des sons puissants de batterie rock, de synthé et de guitare des années 80. Thank you. Voilà, c'était donc un extrait de la BO donc, du film donc, Top Gun. Bien voilà, ainsi donc, s'achève ce numéro de la boîte à BO, hein, donc spécial musique de film, quand la BO fait le film, hein, lorsque les bandes originales sont aussi célèbres que le film. Alors pour terminer, Francine, on va terminer en musique avec un autre extrait donc, du film des années 70, parce que je sais que tu vas beaucoup danser sur ce, sur ce film avec John Travolta. Alors on a écouté tout à l'heure Staying Alive, et là on va écouter un dernier extrait. Alors, How Deep Is Your Love. Voilà, donc on va écouter donc ce deuxième morceau. On se retrouve donc la semaine prochaine. Oui, tout à fait, Jérôme. Alors, à la semaine prochaine. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. You're the light in my